britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Tu es protestant ? Je le suis ! Bien sûr qu'il est protestant. Tiens, qu'est-ce qu'on va te dire ? Tu l'as entendu ? Récite le credo ! Récite ! Credo in unum Deum ! Le coup d'arme sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Au cœur de l'horreur et de l'effroi que font naître en nous les crimes collectifs à répétition du djihadisme, ce peut être un moyen de lucidité et de courage que d'aller rechercher dans le passé les précédents de passions ravageuses qui ont entraîné des religions dans de semblables dérives. Et il se trouve que parmi d'autres similitudes, il en est une qui s'impose, le surgissement de l'attente de l'apocalypse. On la voit prospérer aujourd'hui sur tous les étals de la littérature populaire au Proche et au Moyen-Orient. C'est la fin des temps, qu'il s'agirait d'affronter et peut-être de hâter par tous les débordements d'une violence déchaînée. Or, il est peu d'échos aussi impressionnants que celui qui renvoie au XVIe siècle en Europe occidentale et aux affrontements barbares qu'ont suscité des ressorts qui furent fort semblables. Denis Crouzet, professeur à la Sorbonne, qui a consacré à cette époque de sang, de larmes et d'angoisse des travaux approfondis, n'a pu qu'être sensible à cette ressemblance. Et il a choisi, après les attentats de janvier 2015, d'en traiter très délibérément. Dans un petit livre, qui est tout à la fois de profondeur temporelle et d'actualité, qu'il a signé avec Jean-Marie Le Gall, également professeur à la Sorbonne, Denis Crouzet a choisi, je le cite, de demander à l'histoire de prendre la parole pour parler de ce que nous sommes et de ce mal qui peut nous perdre à nous-mêmes. Et quoi qu'il en soit, raison gardée. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage pour qu'on comprenne pourquoi Denis Crouzet est devant moi ce matin. Voici l'Apocalypse, jadis et maintenant, avec son cortège de fantasmes, de folies et de poisons. Il était apparu de nouvelles trichines inconnues, des créatures microscopiques qui s'installaient dans le corps des hommes. Mais ces créatures étaient des esprits doués d'intelligence et de volonté. Les hommes qui les avaient reçus devenaient aussitôt enragés et insensés. Mais jamais, jamais homme ne s'était cru aussi intelligent et aussi sûr de posséder la vérité que le faisaient ceux qui étaient frappés. Jamais personne n'avait jugé plus inébranlables ses jugements, ses conclusions scientifiques, ses convictions morales et ses croyances. Des agglomérations entières, des villes et des peuples étaient frappés de la contagion et perdaient la raison. Tous étaient dans l'alarme et ne se comprenaient plus les uns les autres. Chacun pensait qu'en lui seul était enfermée la vérité et se tourmentait à voir les autres se frapper la poitrine, pleurer, se tordaient les bras. On ne savait quel jugement porter. On ne pouvait s'entendre sur ce qu'il fallait considérer comme le mal ou le bien. On ne savait qui accuser, qui acquitter. Les hommes se tuaient les uns les autres dans une espèce de rage insensée. On marchait les uns contre les autres par armées entières, mais ces armées, une fois en campagne, commençaient soudain à se détruire elles-mêmes. Les rangs se désorganisaient. Les guerriers se lançaient les uns sur les autres, s'enfourchaient et s'égorgeaient, se mordaient et se dévoraient les uns les autres. Dans les villes, le tocsin sonnait tout le jour. On rassemblait les citoyens, mais qui les rassemblait et pourquoi, nul ne le savait. Cependant, tous étaient dans l'alarme. Dans tout l'univers, il ne put se sauver que quelques individus. C'étaient les purs et les élus, destinés à engendrer une nouvelle race d'hommes et une nouvelle vie. à rénover et purifier la terre. Denis Crouzet, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, un extrait de « Crime et châtiment » de Dostoïevski, le fameux roman de Dostoïevski, publié en 1866. Il est lu ici par Paul-Émile Deybert, sociétaire de la Comédie française. C'était un extrait de l'émission « Les formes du sacré » de Pierre Cipriot, qui a été consacré à l'Apocalypse il y a déjà plus d'un demi-siècle et qui avait été diffusé le 13 mars 1961. Ai-je besoin de vous dire pourquoi j'ai pensé que cette archive, que cet extrait de Crime et Châtiment figurait assez bien à l'aube de cette émission? C'est un extrait qui paraphrase allusivement certains passages de l'Apocalypse de Saint Jean, le livre de la révélation ou des révélations, dans lequel le monde subitement se trouve confronté à l'émergence du doute sur la foi, de la haine de Dieu, parce que des sorciers ont surgi, parce que des faux prêcheurs ont détourné le peuple de l'amour de Dieu, et s'enclenche alors, dans la vision de Saint Jean, un déroulement catastrophique au cours duquel le feu, l'eau viennent recouvrir le monde et au cours duquel des visions se succèdent, visions de trois cavaliers, ce sont peste, famine et guerre. Les cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse, vision d'une cité qui haït Dieu, la Babylone avec la grande prostituée, vision aussi de torches qui descendent du ciel et qui s'abattent sur les hommes, vision de rois, d'évêques, de grands qui sont jetés à terre et foudroyés par la colère de Dieu. Donc, la fin des temps sera un moment au cours duquel les hommes se sépareront de Dieu, ignoreront Dieu et recevront l'ennemi du Christ, l'antéchrist, celui qui vient avant le Christ, et se regrouperont autour de lui pour désaimer Dieu et lutter contre le Christ qui, lui, au dernier temps, viendra juger ceux qui auront été fidèles, les élus, et précipiter dans les ténèbres infernales ceux qui se seront séparés de lui. Ce texte qui est voué à une prospérité considérable jusqu'aujourd'hui, nous allons le voir tout au long de cette émission, ce texte date de 90, c'est-à-dire la fin du premier siècle. Très rapidement, il est devenu un des cœurs vivants de la foi chrétienne et d'une attente qui peut prendre deux formes qui sont tout aussi paniques l'une que l'autre. Il y a d'abord l'attente d'une fin des temps qui peut venir à tout moment et qui sera un cataclysme durant une période de temps indéterminée. Et puis il peut prendre aussi une figure intermédiaire. La fin des temps sera un grand bouleversement, des violences, mais au terme de ces violences, le Christ reviendra sur terre et régnera pour 1000 ans de félicité. Millénium, le fameux millénium. Le millénium, au cours duquel les élus connaîtront le bonheur et de la sorte, cette séquence intermédiaire précédera la véritable fin des temps. Mais donc, cela crée deux approches. Une approche entièrement catastrophique. Sinistre, oui. Sinistre, dans lequel tous seront pris dans cette fournaise de feu et de colère de Dieu. Mais aussi, une approche qui privilégiera les élus et les conduira vers la félicité, vers un sentier de gloire. Ce texte est écrit en grec? En grec, oui. Apocalypse, en grec, veut dire le dévoilement. Révélation, et par Saint Jean, dans l'île de Patmos, dans un décor lui-même certainement prédisposé à cette noirceur, une île sans arbres. Donc, on est là à l'origine d'une des grandes pulsations de l'histoire du christianisme. Pourquoi a-t-il fallu du temps pour que ce texte devienne un texte canonique? Parce qu'il porte en lui certainement la violence. Une violence formidable. Une violence formidable. Au dernier temps, si on ne se regroupe pas derrière le Christ pour combattre l'antéchrist, c'est la damnation. Donc, face à ce Christ d'amour qui est venu pour la rédemption de l'humanité, il y a ce Christ qui viendra avec une langue de feu sortant de la bouche et cette langue brûlera ses ennemis. On est dans un domaine où prospère allégorie, symbolisme. à l'abondance. Le XVIe siècle se nourrit de cette attente apocalyptique parce que des comptabilités bien précises qui renvoient à une science du devenir fixent la durée du monde à 6500 ans. Or, les prophètes et les mathématiciens de la fin du XVe siècle, par des décomptes savants, disent qu'on est tout près de ces 6500 ans, que évidemment nul homme ne peut présumer exactement du moment où le Christ décidera de venir, mais que c'est une question d'attente proche que cette fin du monde arrive. Dans l'intervalle, naturellement, le texte de Saint Jean, à l'Apocalypse de Saint Jean, s'est trouvé recouvert par beaucoup de gloses, de commentaires de toutes sortes. Et celui que je vais vous faire entendre de Lactance, un écrivain chrétien du 4e siècle après Jésus-Christ, montre bien comment il s'est, dès ce moment-là, comment l'Apocalypse, le principe de l'Apocalypse est déjà inscrit en profondeur dans les âmes chrétiennes. C'est un extrait de l'émission de France Culture, L'autre scène où les vivants et les morts, de Claude Métra, qui a beaucoup compté dans l'histoire de cette chaîne, le 26 avril 1971, c'est une lecture de Philippe Moreau. Cet insensé, l'antéchrist, prendra la tête d'une armée et assiégera la montagne où les justes auront trouvé refuge. Et se voyant assiégés, ils feront appel à Dieu de toute leur voix, et Dieu les entendra et leur dépêchera un libérateur. Alors, les cieux s'ouvriront. La tempête fera rage, et le Christ descendra muni d'une grande puissance, et une lueur de feu le précédera, ainsi qu'une cohorte d'anges innombrables. Cette foule de mécréants sera anéantie, et le sang coulera à flots. La paix revenue et les maux supprimés, le roi juste et victorieux soumettra les vivants et les morts à un jugement terrible, et il asservira tous les peuples païens placés sous le joug des justes survivants. Au juste trépassé, il accordera la vie éternelle, et il règnera lui-même avec eux sur cette terre et fondera la cité sainte. Et ce royaume des justes durera 1000 ans. Les étoiles brilleront d'un plus vif éclat. Le soleil se fera plus splendide et la lune ne connaîtra pas de déclin. Alors la pluie descendra sur la terre matin et soir comme une bénédiction. Et la terre produira tous ses fruits sans l'aide du labeur humain. Le miel dégouttera en abondance des rochers. Des sources de lait et de vin jailliront. Les bêtes des forêts cesseront d'être sauvages pour devenir paisibles. Les animaux ne se gorgeront plus de sang ni de chair, car Dieu leur fournira en abondance une nourriture innocente. Tout est là, Denis Crouzet, de la Vulgate, de l'histoire, de l'émergence de l'idée d'Apocalypse. Le XVIe siècle va se remplir de ces visions au point de chercher à les réaliser, parce qu'il y a nécessité, les temps sont courts. On peut voir que cette histoire apocalyptique de la fin du XVe et du XVIe siècle commence plutôt positivement, avec un imaginaire positif, avec le cas de la péninsule ibérique. Et de Christophe Colomb. Mais autant des rois catholiques, il faut voir que Ferdinand d'Aragon est exalté par des prophéties comme celui qui va réaliser l'unité du monde dans le christianisme, et il est comparé à une chauve-souris qui va dévorer les mouches, ces mouches étant les musulmans, d'abord par l'achèvement de la Reconquista dans la péninsule. C'est-à-dire le moment où les catholiques peu à peu redescendent vers le sud en chassant les musulmans. Jusqu'à obtenir la capitulation de Grenade. Mais dans l'imaginaire, ce n'est qu'un point de départ. Il faudra ensuite que le roi catholique aille jusqu'à Jérusalem, et qui sera à Jérusalem sera sûr d'être le roi des derniers temps et d'assurer ce début des règnes 2000 ans, puisqu'il laissera sa couronne au Christ qui viendra. Et c'est là qu'on rencontre la personnalité de Christophe Colomb. Dans un livre important, Denis Crouzet, vous avez montré qu'on ne peut pas comprendre son comportement, le ressort qui l'anime, si on ne voit pas qu'il s'est fait d'une certaine façon le héros de l'Apocalypse, qu'il a été nourri de ce texte. Il est nourri de prophéties, il est nourri de passages de la Bible à dimension messianique. Un des recueils qu'il s'était constitué est appelé par les spécialistes le livre des prophéties. On l'a retrouvé. C'était une sorte de code du devenir dont il devait être l'agent au nom de Dieu. Lorsqu'il part en 1492 sur ces trois bâtiments, il se pense comme le Christophore, celui qui porte Christ en lui, sur ses épaules, symboliquement, dans la certitude que, en allant vers l'ouest, la route qu'il va prendre va l'amener jusqu'au Cathay, le royaume du Cathay, la Chine, que là, il va préparer une alliance sacrée avec l'empereur, qui sera converti, qui n'attend que des missionnaires chrétiens que pour être convertis. Avec les peuples païens dont Lactance parle. Voilà. Donc il a une vision d'abord, Christophe Colomb, très, très optimiste finalement de son voyage. Très optimiste. Qui va naturellement s'effondrer dans les réalités de la conquête. Et avec l'or qui sera donné, qui sera retrouvé et trouvé en Chine, il sera possible de mobiliser une grande armée. De l'Est comme de l'Ouest convergeront des forces qui iront jusqu'à Jérusalem et instaureront donc le règne du Christ. Cette vision, en plus, elle est positivée par les premières rencontres avec les Indiens, vivant dans une nudité adamique, qui sont perçus comme pouvant, parce qu'ils sont comme une feuille blanche, recevoir eux-mêmes le Christ. Adamite, ça avait fait allusion à Adam. Avant le péché originel, en quelque sorte. Les textes et les images que rapporte Colomb quand il revient, c'est vraiment le temps du basculement vers le millénium qui est en train de se réaliser, avec cette lecture de prophétie qui faisait dire que quand la totalité du monde terrestre de l'Orbis Terrarum sera connu, ce sera cette fin des temps que l'on attend, le millénium. Mais cette vision finalement optimiste va s'abîmer devant la réalité de la résistance. D'une part, les premiers Indiens n'étaient pas la totalité du monde indien. Les premiers Espagnols qui sont laissés à la fin du premier voyage sont retrouvés au deuxième, disparus, massacrés. Le trauma, en quelque sorte, de Colomb, c'est de voir que le mal est là, et que pour aller plus loin, il faut réduire le mal, d'où le fait que Colomb se transforme assez rapidement en guerrier de l'Apocalypse. En tueur, en somme. En tueur, avec ses expéditions punitives dans l'intérieur des îles, pour attraper les Indiens qui fuient le travail forcé, et puis une guerre larvée qui fait des victimes et qui finit par expliquer pourquoi, dès 1498, le grand dépeuplement des îles Caraïbes a commencé, et que l'expérience de Colomb tourne au drame apocalyptique, justement. Et en arrivant à la conviction que tuer n'est pas péché, que c'est aimer Dieu, et évidemment cette affirmation sonne assez sinistre oui. Aujourd'hui à nos oreilles. On a le début d'un mouvement qui va prendre la chrétienté à la gorge, liant la libération des lieux saints à une violence. Et on peut penser, évidemment, à certaines expériences d'aujourd'hui, de l'autre côté de la Méditerranée, vers l'Est, où les derniers temps sont pensés comme proches, et au dernier temps, seulement ceux qui auront engagé la lutte contre la mécréance se trouveront sur le sentier d'Allah, de même que Colomb pensait qu'il était sur le sentier du Christ, et même qu'il portait le Christ en lui. Un tel enseigne qu'accepter une mort immédiate n'a pas la même signification que pour d'autres, puisque ce n'est qu'anticiper de peu ce moment de l'Apocalypse. Quand on se trouve dans la certitude que les temps sont courts, que demain comme après-demain, comme dans quelques mois, quelques années, la fin des temps va advenir, il y a une sorte de raccourcissement de la perspective qui fait que si on se sacrifie pour Dieu, si on combat pour Dieu et si on meurt pour Dieu, on est déjà dans le règne éternel de Dieu. C'est-à-dire que se confondent presque l'ici-bas et l'au-delà, la mort, et au contraire une libération, on rencontre Dieu. Il y a un aspect qui, de ressemblance qui, je trouve très frappant entre cette période et la nôtre, c'est la profonde révolution qu'a instituée, qu'a représentée, qu'a incarnée l'invention de l'imprimerie. On ne peut pas se départir de l'idée qu'à cet égard, les nouvelles technologies et Internet font écho à cette nouveauté. Y aurait-il eu, si on fait un peu d'uchronie, un peu d'histoire-fiction, y aurait-il eu les guerres de religion, Denis Crouzet, aussi barbares que vous les décrivez, s'il n'y avait pas eu l'invention de l'imprimerie, avec en particulier cette soudaine efflorescence de publications à très court terme, populaires, qui vont inonder toute l'Europe occidentale? L'imprimerie est ambivalente. Elle a apporté la multiplication des écrits savants. Elle a permis la diffusion massive des textes de l'Antiquité et de la Bible. Exactement comme Internet. Mais en même temps, elle s'est ouverte à une culture apocalyptique par l'édition de fragments de l'Apocalypse, par l'édition de prophéties médiévales réinterprétées au moment précis où elles sont publiées, des plaquettes astrologiques qui se multiplient et qui lisent dans les astres l'annonce de grandes catastrophes à venir, des famines, des pestes, des guerres, aussi un nouveau déluge qui va se produire en 1524-1525. Il faut penser que ces textes qui étaient édités à 700 ou 800 exemplaires avaient une capacité de résonance aussi forte que l'Internet chez nous, tout simplement parce que ils étaient lus sur les places publiques, ils circulaient oralement. Ils nourrissaient les prêches d'un certain nombre de personnages. Ils nourrissaient les prêches de prédicateurs qui se disaient inspirés de Dieu pour annoncer justement le châtiment divin sur une humanité qui avait péché comme jamais elle n'avait péché auparavant, signe de la fin des temps. L'imprimerie entraîne la chrétienté dans une terreur de l'immédiate apocalypse possible. Il faut donc ne pas faire entrer en cause le concept de modernité pour l'imprimerie. Il n'y a pas de modernité de l'imprimerie. Elle fait autant pour une diffusion des savoirs qu'elle fait pour la destruction des savoirs, puisque en même temps, ces hommes vont prophétiser que les savoirs antiques, par exemple, sont contraires à Dieu et entraînent les hommes vers de mauvaises voies. Et ces fascicules, ces publications de toutes sortes, annoncent en fait de décennie en décennie que la fin du monde est toute proche. La fin du monde est immédiate, ou au moins elle est programmée dans les 30 ans à venir, mais comme possible. Et ces textes disent bien, tout peut être anticipé si Dieu voit toujours plus de péchés sur terre. Avec une grande prospérité de l'astrologie et des astrologues, qu'on retrouve également d'ailleurs dans le monde islamique aujourd'hui, du côté du Proche-Orient. Nous avons toujours une conception dans notre société comme quoi nous vivrions dans une société hypermédiatisée où tout va très vite pour la communication. À la fin du 15e et au début du 16e siècle, les systèmes de communication vont tout aussi vite et imprègnent tout autant la société. Vers 1480, un astrologue appelé Johannes Lichtenberger publie un pronosticon. Qui va être réédité. Et on peut imaginer sans doute qu'il crée une dynamique qui va ensuite faire des émules, chacun cherchant après Lichtenberger, soit à dire que Lichtenberger a eu raison et qu'il faut être toujours plus attentif à la fin des temps, soit en cherchant d'autres termes à la fin du monde que Lichtenberger, puisque ceux que Lichtenberger a donnés sont autour de 1525-1530. Ensuite, on repousse la fin des temps parce que... Mais c'est toujours d'après les configurations planétaires qu'on cherche à lire le devenir, les mouvements des planètes étant une deuxième révélation, comme la Bible. Je trouve très important, Denis Crouzet, que vous insistiez sur la rapidité, la promptitude de circulation des émotions à cette époque, puisque c'est un peu une idée reçue que notre temps est celui de l'accélération de toute chose propre à hébéter l'intelligence. Eh bien, dès ce moment-là, ce rythme de circulation des rumeurs, des passions... Dès Lichtenberger, mais ensuite, il y a des dizaines de textes, annoncent le grand déluge pour l'année 1524. Parce que les conjonctions planétaires seraient les mêmes par rétromodélisation que celles du premier déluge. Sur les collines subalpines du Frioul, des gens se font construire des maisons de bois destinées à flotter quand les eaux monteront. Il y a aussi un exemple, en France, un conseiller au Parlement de Bordeaux, si je me souviens bien, qui se fait construire une maison de bois aussi. On a en même temps des hommes qui processionnent pour demander en Lorraine la miséricorde divine, parce que les eaux vont venir et qu'ils ont cette terreur d'être submergés par la colère de Dieu, le déluge venant parce que il y a eu infidélité à Dieu. Jean-Pierre Filliu, que nous connaissons comme un excellent spécialiste de l'islam contemporain, a publié il y a quelques années un livre sur l'apocalypse dans cette civilisation qui est né de l'observation qu'il a faite lui-même en se promenant dans les rues, en considérant les petits marchands de petits journaux, de petits fascicules, de voir à quel point ce type d'idée pouvait prospérer. Pour basculer de l'imprimerie de la fin du 15e siècle et du début du 16e siècle Internet d'aujourd'hui, vous verriez aussi prospérer ces commentaires sur les signes majeurs et mineurs de la fin des temps dans la pensée islamiste actuelle. Alors ces signes majeurs, ce sont les hommes qui s'habillent comme des femmes, les femmes qui s'habillent comme des hommes, la prolifération de l'adultère, les maisons qui montent jusqu'au ciel, une bête qui va surgir. La bête de l'apocalypse. Une bête qui est une bête apocalyptique, qui va ravager la terre. Et puis vous avez une colonne de feu qui va s'élever au-dessus du désert du Yémen. Des lectures qui sont faites pour intégrer ces signes dans une chronologie. La colonne de feu, ce sont les puits de pétrole qui brûlent au Koweït. La lune fendue, qui est un des signes, elle est dite avoir été fendue, et donc le signe est passé, quand les Américains ont débarqué sur la lune, ont gratté la terre pour prendre des fragments de roche. Vous voyez comment une chronologie est à la fois réalisé et en instance de se faire, parce que certains signes vont évidemment s'accomplir. L'arrivée des Français en Italie a été une date importante avec Charles VIII, puisque c'est d'abord dans la péninsule que l'on voit se développer ces émotions, ces comportements collectifs. Charles VIII appartient au versant messianique de l'apocalyptique. Des astrologues, des prophètes autour de lui, comme Maître Guilloche de Bordeaux, Jean-Michel, publient des petites plaquettes dans lesquelles ils affirment que Charles VIII est le roi attendu des prophéties, qu'il va ceindre les trois couronnes, la couronne de France, la couronne du royaume de Naples sur laquelle la France revendique des droits, et comme le royaume de Naples est aussi associé à la couronne de Jérusalem, il sera le roi des trois couronnes qui ira déposer ses couronnes à Jérusalem au terme d'une croisade qui mettra à bas la domination du Turc sur les lieux saints. Il y a donc une représentation messianique, mais en parallèle, durant la descente en Italie, Charles VIII va rentrer dans Florence. À Florence, là, on a un discours apocalyptique d'une violence effrayante qui prend à la gorge et fait se hérisser les cheveux de certains qui ont raconté avoir assisté à ces prédications. C'est le discours de Jérôme Savonarole, prieur du couvent de Saint-Marc, qui alors dénonce l'Italie comme engluée dans des péchés infinis qui caractérise toutes les strates de la société, du pape au clerc, aux évêques, mais aux bourgeois, aux riches, aux pauvres. L'Italie est plongée dans le péché et prophétiquement, il annonce justement qu'un roi du Nord va descendre et châtier cette Italie avec une seule ville qui peut se sauver, Florence, si elle fait pénitence, si elle demande miséricorde à Dieu, si elle détruit tout ce qui offense Dieu, les peintures mythologiques, les jeux de cartes, les vêtements de soie, etc. Vous ne voulez pas m'entendre? Eh bien, vous verrez. Vos épouses seront déshonorées, c'est-à-dire les concubines qui vous servent d'épouses. Le fruit de vos péchés lui-même vous sera arraché et distribué à d'autres. Votre tiède épouse, je veux dire, votre conscience, sera déshonorée, endurcie, et vous ne vous convertirez jamais. Prêtres, vos fils que vous faites passer pour vos neveux seront tués par l'épée. Rome et prélats, vos bénéfices et vos dignités vous seront enlevés pour être donnés à d'autres en châtiment de vos ignominies. Et vous, tyrans, Princes de l'Italie, vos épouses, c'est-à-dire vos états, vous seront enlevés pour être donnés à d'autres. Vous mourrez dans une terre souillée, dans la fange de vos péchés, et vous irez à la maison du diable. Le peuple chrétien sera mené en captivité sur une terre étrangère, dans la maison du diable. Vous voulez que je me taise? Il vous déplaît que je prophétise. Vous devriez plutôt me remercier, puisque je vous mets sous les yeux les calamités qui vous attendent, et je vous apporte le remède pour y échapper. Convertissez-vous donc promptement, tous et chacun. Retournez promptement au Seigneur. Oh, Italie, ta luxure, ta cupidité, ton orgueil, ton ambition, tes canailleries, tes rapines attireront sur toi la cohue des calamités, la multitude des catastrophes. Voici venir les tribulations que je vous ai prédites déjà. Qu'en dites-vous maintenant, vous, les tièdes, que mes paroles faisaient en rire? Pleurez vos péchés maintenant et confessez vos erreurs. Il n'est plus temps déjà, peut-être. Trop tard, clergé, cause de tant de maux, confesse tes crimes. Pécheurs, rentrez en vous-même et faites pénitence. Il n'y a pas d'autre remède. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. C'était Jean Topard, lecteur fameux, qui lisait ce texte de Savonarole, un extrait de l'émission Analyse Spectra de l'Occident de Serge Jouet, le 4 avril 1959. Est-ce qu'on ne se croirait pas, Denis Crouzet, sur certains sites du djihadisme contemporain? Tout à fait, parce que le djihadisme contemporain veut dresser les vrais croyants contre les mécréants, mais ceux-ci sont mécréants non seulement parce qu'ils ne croient pas au vrai Dieu, mais aussi parce qu'ils offensent par leur débauche, par leurs coutumes vestimentaires, par leur mode de vivre. Alors, il faut jamais essayer de trop comparer, mais voir qu'une religion... Comparer si, assimiler, non. Voilà. C'est notre doctrine ici. Ce sont des religions du livre, christianisme, islam, et que chacune suit parfois des voies qui sont parallèles. On voit déjà, avec le cas de Florence, l'idée de ce que, dans un monde qui sera insensible aux avertissements divins, insensible aux prophètes, le salut viendra d'une cité qui sera une nouvelle Jérusalem, une nouvelle Sion, parce qu'elle écoutera un homme de Dieu et se mettra à l'écart du monde et ainsi sera préservée du déluge de feu apocalyptique. C'est vraiment là une sorte de structure de l'imaginaire de ce monde compartimenté, segmenté, qui va vivre les derniers temps pour la félicité finale. Savonarole finit mal. Il est brûlé. On retrouve ce type de comportement d'un peu d'insularité dans le cas de l'Allemagne, dont il faut dire aussi un mot, parce que alors, l'apparition de Luther est décisive. L'Allemagne connaît une violence de l'approche apocalyptique. Une angoisse panique équivalente à l'Italie précédemment. Encore plus forte, parce que c'est un haut lieu de diction prophétique, et aussi parce que il y a Luther. Tout d'abord, un homme hanté par le diable, par la proximité du diable, qui trouve une thérapie à son angoisse en se portant vers le livre même, la parole de Dieu. C'est le sola gratia, sola fide, sola scriptura, par la seule grâce de Dieu, par la seule foi et par la seule écriture que le salut peut venir. Obsédé d'ailleurs par l'Apocalypse de Saint Jean. Et il est obsédé par l'Apocalypse parce que il se pense comme un apôtre envoyé par Dieu pour rattraper encore tous ceux qui ont la bonne volonté de venir vers Dieu. Mais cette amélioration de la foi qu'il propose, cette réformatio qu'il propose, secrétera, il le sait, une réaction apocalyptique de la part de l'antéchrist, et il y a deux antéchrists pour Luther, le pape et le turc. Il se voit donc, à la fin des temps, dans un moment qui va venir de paroxysme de haine et de violence à l'égard de ceux qui seront les fidèles de Dieu. Avec des injures qui prennent comme toujours la forme de l'animalisation de ceux que l'on hait. Le paps Hazel, l'âne pape par exemple, qui est un hybride pensé par son disciple et ami Mélenchon, mais dans ce contexte, il y a ceux que l'on appelle les schwärmer, les enthousiastes, qui sont actifs dans les campagnes, surtout à partir de 1520, et qui circulent en appelant le monde paysan à faire preuve d'une foi suraffirmée par rapport à Dieu, d'où à partir de 1524, cette guerre des paysans, qui est non seulement une guerre contre la prédation seigneuriale, mais qui comporte des violences contre les seigneurs, des attaques de châteaux, des dénonciations des riches qui empêchent le peuple, par leurs exactions, de pouvoir honorer Dieu comme il devrait l'honorer. Et il y a le cas de cette ville de Münster. Münster était une petite ville drapière qui connaît une situation économique catastrophique et dans laquelle les luthériens prennent d'abord le pouvoir sur le plan municipal, mais sont débordés par des anabaptistes, une secte qui était prophétique. Avec un rêve d'égalité messianique. Avec un rêve d'égalité messianique. Et ces anabaptistes pensaient qu'au dernier temps, très peu nombreux seraient les élus, qu'ils seraient persécutés. Ils prennent le pouvoir dans Münster, ils mettent en communauté tous les biens, interdisent la propriété privée, instaurent un gouvernement sur le modèle de l'Ancien Testament avec 12 juges. Peine de mort pour le vol, pour l'avarice, pour le mensonge, pour l'insubordination des enfants contre les parents, de la femme contre le mari, pour les pratiques papistes naturellement. Vraiment, cela annonce des situations contemporaines c'est dans des villes dominées par l'islamisme. C'est une sorte de paradigme, Münster, de cette attente de Dieu qui doit éliminer toute impureté, toute pollution, comme on disait, de la gloire de Dieu, dans laquelle, au dernier temps, parce que la colère de Dieu va venir sur le monde, la colère apocalyptique, la ville sera préservée et régneront pour 1000 ans des élus. À Münster, un des prophètes, Jean de Lède, accède à une royauté, il prend comme emblème un globe percé de 2 épées, symbole de la fusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, mais aussi symbole de la fusion de l'ici-bas et de l'au-delà, puisqu'il est celui qui précède le Christ. Et de la rencontre entre la violence et la pureté, la violence au service d'une pureté. La violence est pure, et pure parce qu'elle est voulue par Dieu. Celui qui fait violence n'est coupable de rien. Il est au contraire celui qui agit le bras de Dieu. Alors je voudrais que nous en venions maintenant à la situation française, c'est-à-dire aux guerres de religion. Que va-t-il se passer si l'on prend le cas de la France, qui est le haut lieu de cette dynamique apocalyptique à partir de 1550, alors qu'elle décroît dans les autres espaces européens? Que va-t-il se passer? Des prédicateurs, des prophètes vont appeler à la destruction de ceux qui sont apparus à partir de 1520 et qui sont représentés comme des souillures du peuple, qui ne sont intolérables à Dieu, que l'on qualifie d'hérétiques, qui sont soit des luthériens, soit des évangéliques, soit bientôt à partir de 1545 des disciples de Calvin. Il faut, disent ces prédicateurs, disent ces libellistes, utiliser le fer et le feu pour les faire disparaître du royaume. Sans cela, ce royaume sera infidèle globalement à Dieu, et Dieu abattra sa colère. C'est déjà un signe de colère de Dieu que l'hérésie soit apparue dans le royaume. Il n'y a qu'une solution, la justice ou la violence. Or, le pouvoir royal se met en chasse, surtout sous le règne d'Henri II, de ses hommes, mais de façon ponctuelle, sans accomplir ce rêve de purification qui est celui du catholicisme militant. Avec toujours une ambiance de panique généralisée qui se répand dans le pays entier. On voit partout les temps de la punition de Dieu avec la pénitence qui permet de se protéger. Je vois par exemple qu'en 1524, cette année où l'inquiétude, l'angoisse monte, je vois qu'il est écrit ceci: ces temps fut pronostiqué par quelques astrologues et causait leur dire sur la conjonction de plusieurs signes aquatiques qu'ils disaient être conjoints ensemble au dit an, et devait commencer ce déluge le second jour de février. Et en fut le peuple si épouvanté qu'il tenait cela pour tout certain et faisait voyages et processions portant reliques de saints et de saintes pour apaiser l'ire de notre Seigneur. Ce type de panique se reproduit. En 1583, des astrologues ont prédit, là encore, une grande catastrophe qui va se produire, et on voit en Champagne, village par village, paroisse par paroisse, les habitants qui s'habillent d'eau blanche, partent en procession pour aller vers les grands sanctuaires mariaux voisins, et dire que leur procession leur permettra de se sauver, qu'ils seront enterrés dans ces linceuls blancs, pour, au dernier temps, montrer à Dieu qu'ils ont fait pénitence. Donc le panique se recharge sans cesse dans cette France. Avec la haine des hérétiques. La haine des hérétiques. Le diable est dans leur tête. Les violences montent parce que l'hérétique est pensé comme s'étant séparé de Dieu. Il est allé honorer un autre Dieu que l'on dénonce comme étant Moloch ou Baal, les dieux de la Bible qui ont parfois séduit le peuple d'Israël et l'ont détourné de Yahvé. Et en adorant un autre Dieu que Dieu, ils ont cessé d'être des créatures faites par Dieu à son image, ils ont perdu leur entendement, ils ne sont plus que des bêtes, ils se sont déshumanisés. Des bêtes, oui, c'est pourquoi quand une personne est hérétique, il est appelé loup. Le paillard est appelé pourceau, chien, cheval, hennissant. Un ambitieux et cruel est appelé lion, un envieux est appelé chien en l'écriture, et le fin et trompeur est appelé renard. À partir de là, il n'y a plus de culpabilité à tuer, puisque on ne tue pas de l'humain, on tue un être qui n'est plus qu'une bête. Ce n'est pas péché, donc c'est aimer Dieu. On aime Dieu, et cela peut expliquer pourquoi des rituels très précis se déroulent. On en trouve témoignage dans les récits. Ce sont des rituels qui se répètent, comme celui d'une foule qui, à coups de maillet, assomme d'abord l'hérétique, puis martèle son corps, jusqu'à ce, disent les textes, qu'il n'ait plus apparence de l'humain, qu'il laisse une bouillie à la place, comme pour scénographier cette absence de l'humain dans celui qu'on tue. On a aussi des scènes d'animalisation, on poursuit l'hérétique à travers la ville comme une bête, et on le traîne ensuite comme une bête morte jusqu'à la voirie où les chevaux morts, les chiens morts étaient abandonnés. Entre autres choses par trop barbares, ses entrailles lui furent arrachées du ventre, traînées par la ville, puis jeté dans les fossés d'Issel, en un lieu le plus puant et infect. Son cœur et son foie furent répartis, emmanchés dans des bâtons et portés par la ville comme au triomphe. Pourquoi les entrailles? C'est parce que c'est le siège des passions. C'est donc là que Satan s'est installé et a pu éloigner le chrétien de Dieu et le faire aller vers l'hérésie qui nécessite sa mort. Vos travaux, d'ailleurs, Denis Crouzet, sur les guerres de religion, offre une litanie d'horreurs épouvantables. J'en ai lu qu'un tout petit échantillon. L'horreur fait partie du spectacle que l'on offre à Dieu, de sa propre foi, mais aussi de la pédagogie que l'on veut diriger vers ceux qui pourraient être tentés de glisser vers l'hérésie. Et sans vouloir toujours tomber dans le parallélisme, il y a sur Internet une vidéo qui circule, qui montre un chef djihadiste éventrant le torse d'un de ses ennemis morts, arrachant le cœur et mordant dans ce cœur, devant la caméra, comme au XVIe siècle, on voit des scènes de cannibalisme jouées par ces violents. Parce que c'est montrer à Dieu, dans l'inhumanité même, qu'on lui appartient. L'imminence eschatologique, le sentiment qu'on s'approche de la fin des temps, ne cesse pas d'obséder les esprits et les cœurs. Et quand on relit les pires moments des guerres de religion, on doit prendre cela en compte. Par exemple, la Saint-Barthélemy n'est pas un événement exclusivement politique. Il peut être politique au début, mais ensuite tout s'étend d'une manière qu'on ne comprendrait pas si on ne replaçait pas cette époque dans l'atmosphère que vous venez de décrire. La Saint-Barthélemy, elle est d'abord en arrière-plan. Il y a le mariage d'Henri de Navarre, prince protestant, et Marguerite, princesse catholique, qui est perçue par le catholicisme parisien comme une provocation, parce que c'est faire cohabiter Dieu et Baal ensemble. ce qui ne peut que susciter la colère de Dieu. Et il faut bien se représenter ce qu'est l'imaginaire de ces catholiques. Si l'hérésie est à côté de soi, la tolérer, c'est être tout aussi coupable que l'hérésie. Donc il faut tuer, et on commence, on le sait, par un meurtre politique d'une soixantaine de capitaines protestants, probablement voulu par la monarchie pour sortir d'une impasse. Mais à partir de 8h du matin, les cloches sonnent dans Paris parce qu'il y a, affirme-t-on, un miracle qui s'est produit. Dieu présent dans la ville, au cimetière des Saints Innocents, une aubépine qui était sèche a refleuri, s'est couverte de feuilles. L'aubépine, c'est la couronne de pipine du Christ. Donc c'est le Christ qui est là, qui appelle chacun à adhérer à sa joie qui est de voir son peuple revenu vers lui dans la violence et dans l'extermination de ses ennemis. On peut penser que le grand massacre collectif, 2500, 3000, 3500 morts, on n'a aucun chiffre précis, commence à ce moment-là dans une forme de transe divine, de possession. L'Esprit de Dieu est là. Ceux qui sont dans Paris, qui prennent les armes, mettent une croix sur leur chapeau ou sur leurs vêtements, sont des bras de Dieu, ce qu'ils font, et l'œuvre de Dieu même. Ton nom ? Coconas, Hannibal. Tu es volontaire ? Tu sais ce qu'on attend de toi ? Je le sais. Et ceux qui voudraient les défendre ? On devra se défendre de ceux qui voudront les défendre. Et les témoins ? Les témoins catholiques ne parleront pas. Les autres ne devraient pas parler non plus. Ça fait du monde. Le roi a dit tous. C'est commencé. Dominum Jesum Christum. Je suis curieux de savoir, Denis Crouzet, si ce film fameux de Patrice Chéreau, La Reine Margot, qui remonte à 1994, restitue assez bien ce que vous montrez dans vos livres, c'est-à-dire que à côté de la justice du roi, expéditive, il prospère dans le royaume une sorte de violence prophétique, qu'on peut dire que la Saint-Barthélemy est une sorte de, une grande geste mystique, qu'il y a une sorte d'hallucination collective de la présence de Dieu. Un an avant, il y a eu la bataille de Lépante, où Venise a battu le Turc, et par conséquent a paru préparer la reconquête future de Jérusalem. Et puis on nous dit qu'il y a eu des crues catastrophiques, par exemple du côté du Rhône, que des nuées se sont rencontrées au-dessus de Dijon, avec demi-heure d'angoisse, que la terre s'est effritée sous les hommes, que des maisons s'effondrent régulièrement à Troyes. Une ambiance qui explique aussi la Saint-Barthélemy, non ? On ne peut pas comprendre la Saint-Barthélemy si on ne contextualise pas dans ces angoisses récurrentes, entretenues, on y revient toujours, par l'imprimé ou par des prédicateurs. On sait que au début août, le grand prédicateur Simon Vigor a dénoncé la politique monarchique de Concorde, a stigmatisé le péché qu'il y a à cohabiter avec l'hérésie, et donc appelé implicitement à ne pas accepter ce mariage symboliquement d'union entre deux religions. Donc la Saint-Barthélemy, elle est portée par une attente d'un événement qui viendrait, qui libérerait le peuple de Dieu, qui serait voulu par Dieu, peut-être parce que le roi laisserait faire, mais on est dans la réalisation apocalyptique. C'est une révélation, la Saint-Barthélemy, au petit matin, on tue, et donc on va tuer soi-même aussi. Ce sont des crocheteurs qui sortent de leur maison, des bourgeois qui vont tuer une partie de leur famille, etc. Et aucun lien, ni de sang, ni d'amitié, ni de métier, ne doit résister à la violence de Dieu. Et c'est une façon de conquérir son paradis individuel et en même temps de participer à ce bonheur futur prévu, le millénium, toujours cette ambivalence entre l'horreur de ce qui se passe aujourd'hui, oui, et l'espérance d'un ciel lumineux plus tard. Dans les lendemains de la Saint-Barthélemy, il y a une sorte de grande illusion. Dieu a permis que l'hérésie dans Paris soit vaincue, détruite. Ce n'est qu'un début d'une histoire nécessaire qui va aller jusqu'à l'abjuration de tous les protestants ou ceux qui resteront encore protestants à leur mise à mort. L'alliance avec Dieu va être restaurée parce que Dieu a commencé cette œuvre de châtiment de ses ennemis à travers un peuple qui lui est resté fidèle et qui sera récompensé par le retour de la vraie foi dominant tous, faisant du royaume de France le royaume le plus chrétien. À Rome, on observe que le pape fait frapper une médaille pour célébrer l'événement. Mais le roi de France, lui aussi, il y a une médaille qui est frappée, le montrant, abattant l'hydre réformée. Ça évoque très directement les réjouissances de Daesh, célébrant son rôle dans les attentats récents en France ou en Belgique. On retrouve, parallèlement aux événements d'aujourd'hui, la nécessité de montrer la violence. Les corps sont traîné dans Paris, exhibé, le cadavre de Coligny décapité, son corps est traîné par des petits-enfants qui, de carrefour en carrefour, miment un procès, le condamnent et le brûlent partiellement de carrefour en carrefour jusqu'à aller l'abandonner sur un bord de Seine et ensuite, et avec deux cadavres d'autres chefs protestants, conduits au gibet de Montfaucon, pendus à l'envers, signe de ce que la justice de Dieu s'est réalisée. Rôle des enfants, c'est important, les adolescents dans cette violence panique. Sans comparer aujourd'hui avec des exécutions qui sont déléguées à des jeunes enfants, il faut voir que des rituels se répètent dans des communautés, soit villageoises, soit urbaines. L'exécution de l'hérétique est abandonnée à des petits-enfants, parce que ce n'est jamais que l'application de la parole biblique. Laissez venir à moi les petits-enfants, ils sont simples et innocents. Donc l'enfance, comme pureté, incarne sur terre le Christ. Elle est la violence du Christ contre ses ennemis, et elle théâtralise donc cette chronologie apocalyptique. Pour finir, je vais vous faire entendre, Denis Crouzet, un extrait des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, le grand historien de ces temps-là et le grand poète, qui est peut-être celui qui a le mieux exprimé, d'un point de vue littéraire, ce qu'a été la sensibilité de ce temps et l'affrontement des hommes au nom des religions déchaînées. C'est un tragique date de 1616. Il est protestant. C'est une lecture de Claude Neulier, du 13 mars 1961. Pourquoi, diront les eaux, changeâtes-vous en sang l'argent de nos ruisseaux, les monts qui ont ridé le front à vos supplices? Pourquoi nous avez-vous rendu vos précipices? Pourquoi nous avez-vous, diront les arbres, fait d'arbres délicieux, exécrables gibets, nature blanche, vive et belle de soi-même, présentera son front ridé, fâcheux et blême, au peuple d'Italie et puis aux nations qui les ont enviées en leurs inventions. Pour de poison mêlé au milieu des viandes, tremper l'amer mort en ses liqueurs friandes, donner au meurtre faux le métier de nourrir et sous les fleurs de vie embusquer le mourir. La terre, avant changée de lustre, se vient plaindre quand son ventre l'on fit ses chers enfants éteindre. En les enterrant vifs, l'ingénieux bourreau leur dressant leur supplice en leur premier berceau. La mort témoignera comment ils l'ont servi. La vie prêchera comment ils l'ont ravi. L'enfer s'éveillera. Les calomniateurs, cette fois, ne seront faux prévaricateurs. Les livres sont ouverts. Là paraissent les rôles de nos sales péchés, de nos vaines paroles, pour faire voir du Père aux uns l'affection, aux autres la justice et l'exécution. Il m'a semblé que tout ce temps-là, avec ces débordements, c'est ce qui nous apparaît comme des folies, se retrouve ramassé, résumé, exprimé de très belle façon. D'Aubigné est un poète d'une intensité dramatique extrême qui revient sur les violences subies par ceux de sa foi qui les ont portées au martyr pour beaucoup du fait de ces châtiments extraordinaires de cruauté que les catholiques leur ont infligés. Mais aussi, dans le jugement dernier qui va se dérouler, il évoque la partition qui va se faire entre ceux qui auront souffert pour la parole de Dieu, qui ont été martyrisés, et les criminels, les papistes, comme on disait, qui ont été leurs tortionnaires. Et je trouve que ce texte a tout de même une actualité, par sa violence même. Le grand traumatisme protestant est dans d'Aubigné. C'est cette histoire qui devait aller dans l'esprit des hommes de 1560, vers le règne de l'Évangile, vers un moment d'union avec Dieu, de retrouvailles avec Dieu, après que Rome ait souillé la vraie piété. C'est une histoire qui a été cassée par la violence, et d'Aubigné, en revenant dessus, rêve de la justice de Dieu, qui sera terrible, qui s'exercera en enfer. La mort témoignera comment ils l'ont servi. Voilà, la mort éternelle des ennemis de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, ce texte a aussi une résonance, parce que nous subissons une sorte de bombardement médiatique qui nous fait voir des instants paniques au cours desquels des tueurs tuent les mêmes que nous. Nous avons peur. Nous avons peur, il faut le dire. On nous dit la peur à tout moment. Et je crois que ce texte aussi doit nous éveiller à ne pas nous laisser aller, parce que aller, c'est nous-mêmes croire que nous pouvons faire justice et aller vers ce choc des civilisations qui est mortifère, est une imbécilité. Il faut raison garder, comme avec Jean-Marie Le Gall nous concluons ce livre, ne pas rêver de sang contre le sang et ne pas faire comme d'Aubigné, trouver une thérapie au mal-être protestant de l'avènement de la parole de Dieu non réalisée dans la violence. Je peux vous dire, Denis Crouzet, je vais vous faire l'aveu que cette conclusion me convient assez bien. La revue L'Histoire va publier ces jours-ci, avec un article de vous sur les sujets que nous avons traités, un numéro spécial consacré à l'Apocalypse, où sont évoquées notamment les résurgences apocalyptiques que l'on constate aux États-Unis d'Amérique. C'est un autre sujet depuis une quarantaine d'années. Même les hommes politiques majeurs sont influencés par cet état d'esprit. Philippe Joutard en traite à bon escient. Je rappelle le titre du petit livre si bienvenu que vous avez donné avec Jean-Marie Le Gall, Denis Crouzet, Au péril des guerres de religion. C'est une édition des Presses universitaires de France. Il y a plus longtemps, vous avez publié un livre sur Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse. Nous en avons traité tout à l'heure, paru chez Payot en 2006. Et puis, ce fut votre thèse qui vous a installé dans cette compétence aux yeux de tous. Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion, paru chez Champvallon en 1990. Nous avons évoqué, chemin faisant, le bon livre de Jean-Pierre Filiu consacré à l'Apocalypse en islam et paru chez Fayard en 2008. Merci beaucoup. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, retrouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés. Et bien sûr, écouter, réécouter et télécharger cette émission pour y songer longtemps. Samedi prochain, autre actualité, moins lourde, nous parlerons de l'orthographe. L'orthographe modernisée, violentée, un débat qui passionne les Français de longue main et on n'en est pas forcément chagrin. J'inviterai Bernard Cerchiglini. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration précieuse de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur. Une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Bollinier, avec à la prise de son Tristan Gratalon, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Nathalie Durand pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères.